France reviendrait fleurir dans nos cœurs. Tant que le printemps, l'été, l'automne et les autans feront sur moi sonner gaiement le coup du temps. Le cœur battant, libre et content le long des bois et des étangs, au gré du vent, j'irai chantant, l'imiclatant de la nature, chaque instant ravit mon être palpitant. Le ciel inconstant, l'air excitant et mes 20 ans.